aucune frontière, ni aucune règle, aucune loi ne me sépareront de toi. Un peu de toi me coule en moi, j'en suis fier comme un roi. Peut-être fier de ses ancêtres, car tu m'as permis de naître. Toutes les mères voudraient que leurs enfants soient parfaits. Mais maman, tu me connais, tu sais bien comment je suis. Que tout ce que je veux, c'est que la musique soit toute ma vie. J'essaie de comprendre un peu que c'est elle qui me fait vivre, que je ferai de mon mieux pour que toi tu l'admires. C'est quelques paroles pour toi. Écoutez, je t'en supplie, maman, encourage-moi, je te dédie cette mélodie. Maman,